passer le rail, il faut être deux. Pour bien le passer, il faut savoir danser. Hardi passe, passe, passe, hardi passe le rail, hardi passe, passe.